me regarde dans le miroir ce matin. Pas celui de la salle de bain, celui de l'âme, celui qui ment pas, qui montre qui t'es vraiment au-delà. J'ai fait des erreurs, j'ai fait du mal à moi-même, aux autres c'est brutal. Mais j'ai aussi aimé créer, donner. Faut pas oublier le bien accompli, validé. 30 ans passés, chemin parcouru. Pas celui que j'imaginais petit perdu. Mais c'est mon chemin, mes choix, mes cicatrices. Personne d'autre peut juger mon parcours complice. Dans le miroir, je vois un guerrier fatigué. Dans le miroir, je vois quelqu'un qui a lutté. Pas parfait, loin de là, mais debout. Et ça, c'est déjà énorme, surtout. Dans le miroir, je vois un guerrier fatigué. Dans le miroir, je vois quelqu'un qui a lutté. Pas parfait, loin de là, mais debout. Et ça, c'est déjà énorme, surtout. On passe notre vie à se comparer aux autres. Instagram, LinkedIn, vie des autres. Mais on voit que les highlights, jamais les galères. Chacun combat ses propres démons, c'est clair. J'ai appris à m'accepter tel que je suis. Mes forces, mes failles, ma personnalité aussi. Plus besoin de validation externe. J'suis mon propre juge, système interne. Les gens vont parler, critiquer toujours. Que tu réussisses ou que tu échoues, même parcours. Alors autant vivre selon tes valeurs. Pas celle qu'on t'impose, trouve ton bonheur. Dans le miroir, je vois un guerrier fatigué. Dans le miroir, je vois quelqu'un qui a lutté. Pas parfait, loin de là, mais debout. Et ça, c'est déjà énorme, surtout. Dans le miroir, je vois un guerrier fatigué. Dans le miroir, je vois quelqu'un qui a lutté. Pas parfait, loin de là, mais debout. Et ça, c'est déjà énorme, surtout. À tous ceux qui doutent, qui se sentent perdus, regardez-vous vraiment en valeur absolue. Vous êtes plus fort que vous croyez, résilient. Chaque jour debout, c'est une victoire brillante. Le futur me fait peur, je vais pas mentir. Mais je contrôle que l'instant présent, c'est partir. Alors je fais de mon mieux aujourd'hui. Je construis ma vie pierre par pierre, nuit après nuit. Dans 10 ans, je regarderai en arrière. Je verrai la distance parcourue, fier. Pas de regret pour les routes pas apprises. Juste gratitude pour celles choisies, prises. Dans le miroir, je vois un guerrier fatigué. Dans le miroir, je vois quelqu'un qui a lutté. Pas parfait, loin de là, mais debout. Et ça, c'est déjà énorme, surtout. Dans le miroir, je vois un guerrier fatigué. Dans le miroir, je vois quelqu'un qui a lutté. Pas parfait, loin de là, mais debout. Et ça, c'est déjà énorme, surtout. Regarde-toi dans le miroir aujourd'hui. Vois la personne forte que tu es aussi. Tu mérites d'être fier, d'être aimé. Commence par toi-même, c'est la clé. Miroir, miroir, dis-moi qui je suis. Je suis moi, et ça suffit.